بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand le soleil sera éteint, que les étoiles seront devenues ternes, que les montagnes seront mises en branle, que les chamelles enceintes seront abandonnées, que les bêtes sauvages seront rassemblées, quand les mers seront allumées, que les âmes seront réunies deux par deux, qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, quand les feuillets seront déployés, que le ciel sera écorché, que l'enfer sera attisé et le paradis rapproché. Alors chaque âme saura ce qu'elle a amené avec elle. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم. Non, je jure par les planètes qui gravitent, par les étoiles qui courent puis s'éclipsent, et par la nuit lorsqu'elle survient, et par l'aube lorsqu'elle pointe à l'horizon, qu'en vérité, ce Coran est la parole transmise par un noble messager, doué d'une force prodigieuse et jouissant d'un rang élevé auprès du Seigneur du trône, obéi des autres anges et d'une loyauté éprouvée. Votre compagnon n'est pas fou, il a bien vu l'ange Gabriel au clair horizon. Et il ne garde pas pour lui-même, avec avarice, ce qui lui a été révélé. Et ce Coran n'est point la parole d'un démon banni. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Où donc allez-vous? Ceci n'est autre qu'un rappel à toute la création, pour ceux d'entre vous qui veulent suivre le droit chemin. Cependant, vous ne le voudrez que si Dieu, le Seigneur des mondes, le veut.